Pourquoi pas? Ses ambitions intellectuelles l'avaient quitté, et sa fortune, il s'en apercevait, était insuffisante, car ses dettes payées et la somme convenue remise aux autres, son revenu serait diminué de 4 000 francs, pour le moins. D'ailleurs, il sentait le besoin de sortir de cette existence, de se raccrocher à quelque chose. Aussi, le lendemain, en dînant chez Madame Arnoux, il dit que sa mère le tourmentait pour qu'il embrassât une profession. « Mais je croyais, reprit-elle, que Monsieur d'Ambreuse devait vous faire entrer au Conseil d'État. Cela vous irait très bien. » Elle le voulait donc, il obéit. Le banquier, comme la première fois, était assis à son bureau et d'un geste le pria d'attendre quelques minutes, car un monsieur, tournant le dos à la porte, l'entretenait de matière grave. Il s'agissait de charbon de terre et d'une fusion à opérer entre diverses compagnies. Les portraits du général Foy et de Louis-Philippe se faisaient pendant de chaque côté de la glace. Des cartonniers montaient contre le lambris jusqu'au plafond. Et il y avait 6 chaises de paille, M. d'Ambreuse n'ayant pas besoin pour ses affaires d'un appartement plus beau. C'était comme ces sombres cuisines où s'élaborent de grands festins. Frédéric observait surtout 2 coffres monstrueux dressés dans les encoignures. Il se demandait combien de millions ils pouvaient tenir. Le banquier en ouvrit un, et la planche de fer tourna, ne laissant voir à l'intérieur que des cahiers de papier bleu. Enfin, l'individu passa devant Frédéric. C'était le père Oudry. Tous deux se saluèrent en rougissant, ce qui parut étonner M. d'Ambreuse. Du reste, il se montra fort aimable. Rien n'était plus facile que de recommander son jeune ami au garde des Sceaux. On serait trop heureux de l'avoir. Il termina ses politesses en l'invitant à une soirée qu'il donnait dans quelques jours.